Section 6, chapitre 10 et chapitre 11. Chapitre 10, suite des débuts de M. Abel et de Jeannot. De tous les habitués, celui que Jean servait et entretenait avec le plus de plaisir était M. Abel, qui avait son cabinet particulier et qui était servi tout particulièrement à cause de sa consommation régulière et largement payée. Un jour, M. Abel le questionna sur Jeannot. « Est-il content chez son épicier ?» dit-il. « Jean, pas toujours, monsieur. La semaine dernière, il était en colère contre un prétendu anglais qui l'a fait promener enragé et qui n'était pas plus anglais que vous et moi, monsieur. Son maître et les garçons se sont moqués de lui. Jeannot s'est mis en colère, on l'a turlupiné, il s'est fâché plus encore, le patron l'a houspillé et taquiné, Jeannot leur a dit des sottises. Le patron s'est fâché tout de bon, il lui a tiré les cheveux et les oreilles, et il l'a renvoyé d'un coup de pied avec du pain sec, pour souper. Monsieur Abel, ah ah ah, la bonne farce! Et sait-on qui était ce faux anglais? Jean, non monsieur, personne ne le connaît. Monsieur Abel, bon, il faudra tâcher de le retrouver pourtant. Jean, il vaut mieux le laisser tranquille, monsieur, il n'a fait de mal à personne, il s'est un peu amusé, mais il n'y avait pas de quoi se fâcher. Monsieur Abel, tu n'en veux donc pas à ce farceur ? Jean, oh, pour ça non, monsieur. Monsieur Abel, allons, tu es un bon garçon, tu comprends la plaisanterie, pas comme Jeannot qui rage pour un rien. Peu de jours après, Monsieur Abel se dirigea encore vers l'épicier de Jeannot. Il n'avait pas la même apparence que les jours précédents. Sur sa redingote, il avait une blouse à ceinture, autour du visage, un mouchoir à carreaux, sur la tête, une casquette d'ouvrier et son chapeau à la main. Il tenait une grande marmite. Il s'arrêta devant l'épicier, entra et demanda, avec l'accent auvergnat, « Du réchinet, s'il vous plaît !» Un garçon. « Pour combien, monsieur ?» L'auvergnat. « De quoi remplir la marmite, mon garçon ?» Le garçon. « Voilà, monsieur, 1,50 $. » L'auvergnat. « Marchez, voici l'argent !» Le garçon alla au comptoir et tournait le dos à la porte. Jeannot bâillait à l'entrée. L'auvergnat. « V'lan, c'est pour toi, chat !» Et l'auvergnat coiffa Jeannot de la marmite pleine. Le résiné coule sur la figure, le dos, les épaules de Jeannot. Avant qu'il ait eu le temps de crier, d'enlever sa coiffure, M. Abel avait disparu. En 2 secondes, il s'était débarrassé de son mouchoir, de sa blouse, de sa casquette. Il avait mis son chapeau sur sa tête. Il avait roulé la blouse et le reste et avait jeté le tout dans une allée au tournant de la rue. Il fit quelques pas encore, retourna du côté de l'épicier, s'arrêta devant la boutique et demanda la cause du tumulte et du rassemblement qu'il y voyait. « Un badaud, c'est un mauvais garnement qui a coiffé un des garçons d'une terrine de résinée, monsieur. Le pauvre garçon est dans un état terrible, tout poissé et aveuglé, les cheveux collés, les habits abîmés. Oh, oh, c'est grave, ça !» dit M. Abel en entrant. Les garçons, le maître, la dame du comptoir, entouraient le malheureux Jeannot, le débarbouillaient, l'arrosaient, l'inondaient, l'épongeaient. Les garçons riaient sous cape, la dame du comptoir leur faisait de gros yeux, M. Pontois n'oubliait pas ses intérêts et gardait l'entrée, afin que quelque filou ne pût se glisser dans l'épicerie. M. Abel entra en conversation avec la dame du comptoir qui lui expliqua ce qui s'était passé. Madame Pontois. « Le pis de l'affaire, monsieur, c'est que les vêtements du pauvre garçon ne peuvent plus resservir et qu'il lui faudra 3 mois de gages pour les remplacer. »« Monsieur Abel, en vérité, ces gages sont donc bien misérables. »« Madame Pontois, 10 francs par mois, monsieur. »« Dame, des enfants de cet âge, ça ne sait rien, ça brise tout. » Jeannot, ayant été suffisamment arrosé, dépoissé, essuyé et rhabillé avec une blouse qui ne lui allait pas, un gilet qui croisait d'un pied sur son estomac, une chemise qui en eût contenu 2 comme lui. Jeannot, disons-nous, leva les yeux et acheva de reconnaître M. Abel que sa voix lui avait déjà fait deviner à moitié. « Monsieur le voleur » s'écria-t-il. L'effet produit par cette exclamation fut exactement le même que dans le café de Jean. M. Pontois ferma et garda la porte, les garçons levèrent les mains pour saisir M. Abel au collet, la dame du comptoir se réfugia près de sa caisse en poussant un cri perçant. M. Abel croisa les bras et resta immobile, regardant Jeannot qui, d'un mot, aurait pu justifier M. Abel, mais qui gardait le silence et le regardait à son tour d'un air moqueur et triomphant. Les cris de la dame du comptoir attirèrent des agents de ville. Ils se firent ouvrir la porte s'informèrent de la cause des cris de madame. Monsieur Pontois et les garçons expliquèrent si bien l'affaire que les sergents de ville se mirent en devoir d'arrêter le voleur. Jeannot se pavanait dans son triomphe. « Monsieur Abel, laissez donc, mes braves amis, je ne suis pas plus voleur que vous. Le voleur prend, et moi je donne. Ainsi vous voyez ce mauvais garnement nommé Jeannot ?» Monsieur Pontois, « Comment vous connaissez Jeannot ?» Monsieur Abel, « Si je le connais, ce pleurnicheur, ce hérisson, je lui ai donné un bon déjeuner à Auray et des provisions pour sa route. Mais finissons cette plaisanterie. J'étais entré pour payer les vêtements perdus de Jeannot. Tenez, monsieur Pontois, voici 40 francs. Une blouse, un gilet et une chemise ne valent pas plus de 20 francs. Le reste sera pour Jeannot, en compensation de l'arrosement qu'il a dû subir. Et à présent, je me retire. Mais, monsieur, dit un sergent de ville, je ne sais si je dois vous laisser en liberté, car enfin ce garçon qui vous a reconnu pour un voleur ne dit rien et... Monsieur Abel. Et c'est le tort qu'il a. Je vais parler pour lui. Monsieur Abel raconta un peu de mots sa rencontre avec les enfants, la leçon de prudence qu'il leur avait donnée et l'ignorance où étaient ses enfants de son nom. « Au reste, ajouta-t-il, venez m'accompagner et me tenir compagnie jusqu'au café Métis. Vous verrez si j'y suis connu. » Les sergents de ville voulurent se retirer en faisant leurs excuses, mais monsieur Abel exigea qu'ils l'accompagnassent jusqu'au café. Il y fit son entrée avec cette escorte, mena ses gardiens improvisés à Simon, qui, en le voyant ainsi accompagné, s'élança vers lui pour avoir des explications. Monsieur Abel riant, « Halte là, mon ami Simon. Je pourrais te compromettre. Ces messieurs me prennent pour un voleur. J'ai vu Jeannot qui a crié « Au voleur, comme mon petit Jean, et je viens à toi pour me disculper. » Simon, « Comment, sergent, vous ne connaissez pas monsieur qui est du quartier ? Je le garantis, moi. C'est un de nos habitués. Et j'en réponds comme de moi-même. Monsieur Abel, merci, Simon. Je me réclamerai de toi dans tous les embarras où je me mets sans cesse par amour de la farce. Et vous, messieurs les sergents de ville, vous allez accepter un café. Et sans attendre leur réponse, 3 cafés et 1 flacon de cognac, cria-t-il. Simon sortit en riant. Quand il rentra, il trouva monsieur Abel attablé avec les sergents de ville. Il paraissait fort content de la fin de l'aventure. Ils savourèrent le café et le cognac jusqu'à la dernière goutte. Ils saluèrent monsieur Abel en lui renouvelant leurs excuses et leurs remerciements. Et ils retournèrent à leur poste qu'ils avaient abandonné pour affaires de service. Chapitre 11. Le concert. Un matin, monsieur Abel trouva Jean plus agité, plus empressé que de coutume. « Monsieur Abel, il paraît qu'il y a du nouveau, Jean. Tu as l'air de vouloir éclater d'un accès de bonheur. » Jean, je crois bien, monsieur, il y a de quoi. Monsieur Pontois, l'épicier de Jeannot, donne une soirée, un concert. Il nous a invités, Simon et moi, et monsieur Métis veut bien nous permettre d'y aller. Monsieur Abel, tant mieux, mon ami, tant mieux. Et as-tu de quoi t'habiller? Jean, je crois bien, monsieur, Simon me prête un habit et un gilet qui lui sont devenus trop étroits, et un pantalon auquel madame Métis veut bien faire un rempli de 6 pouces pour le mettre à ma taille. Monsieur Abel riant, « Mais, mon pauvre garçon, tu flotteras dans tes habits comme un goujon dans un paquet. » Jean, « Ça ne fait rien, monsieur. Il vaut mieux être trop à l'aise que trop à l'étroit. Je m'amuserai bien tout de même. De la musique, jugez donc, moi qui n'en ai jamais entendu. Et puis des rafraîchissements, moi qui n'en ai jamais bu. Et des échaudés, des macarons, du vin chaud. » Monsieur Abel souriant, « Écoute, Jean, sais-tu que ce que tu m'en dis me fait venir l'eau à la bouche? C'est que j'ai bien envie d'y aller. Ne pourrais-tu pas me faire inviter avec un de mes amis, monsieur Cain ?» Jean, « Mais je pense bien que oui, monsieur. Je vais demander à Simon. Dis donc, Simon, peux-tu faire inviter monsieur Abel à la soirée de monsieur Pontois ?» Simon, « Je suis bien sûr que monsieur Pontois ne demandera pas mieux, qu'il sera fort honoré d'avoir monsieur Abel. » Jean, c'est qu'il faut aussi faire inviter son ami, monsieur Cain. Simon, monsieur Cain. Simon regarda d'un air surpris monsieur Abel, qui souriait de l'étonnement de Simon. Mais reprenant son sérieux, monsieur Abel, oui, Simon, mon ami Cain, cela te paraît drôle que Cain soit ami d'Abel? C'est pourtant vrai. Je ne vais pas dans le monde sans lui. C'est un grand musicien. Nous faisons de la musique, ensemble. Simon, bien, monsieur. Je donnerai réponse à monsieur demain. Elle est facile à deviner. C'est un grand honneur que nous fait monsieur. » Monsieur Abel, très content de l'invitation promise, questionna beaucoup Jean sur la soirée projetée, le monde qui y serait, etc. Le lendemain, Simon annonça à monsieur Abel que monsieur et madame Pontois se trouvaient fort honorés d'avoir monsieur Abel et son ami monsieur Cain, et que s'ils voulaient mettre le comble à ses bontés, ce serait de leur chanter quelque chose. « nous verrons, » répondit monsieur Abel d'un air assez indifférent. « Peut-être, si je suis en voie. » Simon fut aussi enchanté que Jean de cette demi-promesse qu'il communiqua dès le soir même à monsieur et madame Pontois. La soirée devait avoir lieu le surlendemain, dimanche. À 8 heures, l'appartement de l'entresol était éclairé, illuminé à giorno. Il se composait d'une petite entrée, d'une salle ou salon, avec 2 fenêtres donnant sur la rue de Rivoli et d'une chambre à coucher où étaient les rafraîchissements. 2 lampes carcel éclairaient le côté de la cheminée. 4 bougies illuminaient le côté opposé. Un quinquet de chacun des côtés restants complétait l'éclairage. Les rafraîchissements se composaient d'eau sucrée, d'eau rougie, de bière, de tartines de pain et de beurre, d'échaudés, de macarons, de pruneaux et raisins secs, d'amandes, de noisettes, de pâtes de réglisse et de guimauve, de sucre d'orge et de sucre candi. Les invités commençaient à arriver. Simon et Jean avaient été des premiers. Jean flottait, comme l'avait dit monsieur Abel, dans les habits de Simon. Et Simon, au contraire, était ficelé dans les siens, achetés depuis longtemps et avant qu'il eût pris du corps. Jeannot avait une veste, un gilet, un pantalon loués pour la soirée, mais ils étaient si heureux des plaisirs de cette réunion qu'ils ne songeaient pas à l'effet que produisaient leurs vêtements. Monsieur Abel arriva et présenta son ami, monsieur Cain. Tous deux étaient en grande tenue de soirée, gants paille, cravate blanche, gilet blanc, vêtements noirs. On les attendait pour commencer le concert. Quelques dames miaulèrent quelques romances, quelques messieurs hurlèrent quelques grands airs. On mangea, on but. Jean et Jeannot s'en donnaient et ne s'éloignaient pas de la table des rafraîchissements. La soirée était fort avancée et Cain et Abel n'avaient pas encore chanté. « Monsieur, » dit madame Pontois en s'approchant de monsieur Abel, « on nous avait fait espérer que vous voudriez bien chanter quelque chose. » Monsieur Abel, avec hésitation. « Oui, madame, mais je ne chante jamais seul. Cain m'accompagne toujours. Et je dois vous prévenir que nous avons des voix si puissantes que ce ne serait peut-être pas prudent de tenir les fenêtres fermées. Les vitres pourraient se briser. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur, Pontois, ouvre les fenêtres. Comment, pourquoi ? L'explication que donna madame Pontois courut tout le salon. La curiosité était vivement excitée. Monsieur Abel s'approcha du piano, monsieur Cain s'assit pour accompagner, et après quelques minutes de préparatifs, de gammes préludantes, de petites notes brillantes, un accord formidable se fit entendre. Un cri puissant y répondit, et alors commença un duo comme on n'en avait jamais entendu. Les 2 chanteurs hurlèrent d'un commun accord, de toute la force de leurs poumons, et en s'accompagnant d'un tonnerre d'accords. « au voleur, à la garde, à l'assassin, on m'égorge, au secours, oh là là, tu périras, gredin, assassin, à la garde, oh là là !» Des cris du dehors répondirent aux hurlements du dedans. Monsieur et madame Pontois, éperdus, criaient au chanteur d'arrêter. Les cris du dehors devenaient menaçants. Monsieur Pontois courut fermer les fenêtres, des coups frappés à la porte d'entrée, des ordres impérieux d'ouvrir, les cris des invités qui demandaient du silence, les hurlements obstinés des chanteurs, mirent en émoi tous les habitants de la maison. Ils se joignirent aux gens du dehors pour forcer l'entrée, et lorsque, enfin, monsieur Pontois, effrayé du tumulte extérieur et craignant une invasion par les fenêtres, se décida à ouvrir la porte d'entrée, une avalanche d'hommes, de femmes, d'enfants se précipita dans l'appartement. Le tumulte, le désordre furent à leur comble. Abel et le prétendu Cain en profitèrent pour quitter le champ de bataille et se trouvèrent dans la rue, riant aux éclats de leurs chants improvisés et discordants. En arrivant dans la rue, ils arrêtèrent une escouade de sergents de ville qui accouraient au secours des victimes égorgées. Ils leur expliquèrent la cause de tout ce bruit. « C'est une plaisanterie qui aurait pu devenir fâcheuse. dit un des sergents de ville. N'est-ce pas? Ça n'a pas de bon sens. Dire tant cœur Caïn et Abel. Aussi, nous avons quitté la partie. Les salons sont pleins, on y étouffe. C'est à n'y pas tenir. Les deux amis s'en allèrent, enchantés de leur succès. Je déteste les épiciers, dit Abel. Caïn, pourquoi les détestes-tu? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Abel, rien du tout. Mais leurs airs goguenards, impertinents, leur aisance et leur sans-gêne, leur esprit et leur langage épicé, tout cela m'impatiente, et j'ai toujours envie de leur jouer des tours. Caïn, je t'assure, mon cher, que tu as tort. Les épiciers sont comme les autres hommes. Il y en a de bons, il y en a de mauvais. Abel, c'est possible, mais que veux-tu? Je ne les aime pas. L'ami leva les épaules en riant et ne dit plus rien sur ce sujet. Fin de la section 6.